ta mère, cadeau. Pas foutre ma mère. Je vais faire une visite de courtoisie. Viens pas foutre ta mère, cadeau. Ça coûte une fortune à l'État et les contribuables ont peur. Peur et marre de payer pour cette racaille. Sur mon idée bien tordue à la flic. Mais quelle que soit l'idée, quel que soit le deal, ça m'intéresse pas.